fait pas rigoler. Le soleil apparaît, leurs corps sont exhibés. Mon vieux métabolisme se remplit d'anesthésiques pour survivre à la vue de ces êtres édéniques. Intérieurement j'en pleure rien qu'à les regarder, mais ma timidité m'empêche de leur parler. Garçon ultra sensible, romantique, émotif, je ne vois pas en quoi je peux être fautif. Mon moi est en conflit avec mon surmoi, et puis j'ai tous les symptômes de l'enfant roi. Les filles qui m'ignorent ne sont pas intéressantes. Les filles qui me boudent ne sont pas amusantes. Je m'avance vers elles, sourire dégagé, mouvement de rejet coloré de pitié, comme si sur mon front blême était écrit tu baises. Alors évidemment ça crée comme un malaise. J'ai engagé un coach pour faire des progrès, des heures de vidéo de yoga sans succès. Il a jeté l'éponge me disant carrément, la loose est comme la grippe, je pars tant qu'il est temps.